بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant ? ألم يجعل كيدهم في تضليل N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine ? وأرسل عليهم طيرا أبابيل Et envoyé sur eux des oiseaux par volée. ترميهم بحجارة من سجيل Qui leur lançait des pierres d'argile. فجعلهم كعصف مأكول Et il les a rendus semblables à une paille mâchée.